Allemands font des vals, les Irlandais font des gigs, les Ricains font du rock, les Britanniques font du punk, et les Français, l'accordéon, le géant vert, aou, aou, aou. Mais qu'est-ce que font les Coréens? Oh, pas Gum Gum Style! Gum Gum Style! Hop, hop, hop, hop! Hop, pas Gum Gum Style! Gum Gum Style! Hop, hop, hop, hop! Hop, pas Gum Gum Style! Hey, sexy lady! Hop, hop, hop, hop! Hop, pas Gum Gum Style! Hey, sexy lady! Hop, hop, hop, hop! La musique de nos jours, c'est devenu facile comme tout. Autotune sur les bords, un refrain et un accord. Une choré folle, des paroles fun. Tu peux refaire le top 50. Après quand tu iras en boîte, déhanche-toi comme une chaffe. Oui, et fais les pas du chef. Every day I'm shuffling. La tectonique commence presque quand je vois ce qu'il y a actuellement. Est-ce que la musique est morte? Est-ce que j'ai vieilli un petit peu trop vite? Même les Daft Punk s'y mêlent. C'est quoi cette musique? C'est quoi cette... Hardcore. C'est quoi cette musique?